mardi dans une toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Dans sa chronique plein air, Émilie Gauthier nous explique comment bien se préparer avant une activité extérieure. Et on va essayer de battre notre record de 24 pièces diffusées dans une seule émission de 2 heures. Assemblage requis, c'est aujourd'hui 15 heures.